les deux jeunes gens vont avoir beaucoup d'amis. Nous allons choisir des amis pour les jeunes gens. Nous allons inventer des aventures, des voyages. Nous allons discuter tout ça ensemble. Ça va être un jeu. Espérons que ça va être amusant. Mais oui, bien sûr, ça va être amusant et utile. Pour apprendre le français. Les deux jeunes gens vont avoir beaucoup d'amis. Les deux jeunes gens, les deux jeunes gens vont avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Les deux jeunes gens vont avoir beaucoup d'amis. Qu'est-ce que les jeunes gens vont avoir? Beaucoup d'amis. Nous allons choisir des amis pour les jeunes gens. Nous allons choisir, choisir. Nous allons choisir des amis. Nous allons choisir des amis. Des amis. Nous allons choisir des amis. Pour les jeunes gens. Nous allons choisir des amis pour les jeunes gens. Nous allons inventer des aventures, des aventures, des aventures. Nous allons inventer des aventures, nous allons inventer des aventures. Des voyages, des voyages. Qu'est-ce que nous allons inventer? Des aventures, des voyages. Nous allons discuter tout ça ensemble. Ensemble. Nous allons discuter tout ça. Nous allons discuter, discuter, discuter. Nous allons discuter, nous allons discuter. Nous allons discuter tout ça, nous allons discuter tout ça, tout ça. Nous allons discuter tout ça. Nous allons discuter tout ça ensemble. Que nous allons discuter ensemble. Tout ça, les amis, les aventures, les voyages. Ça va être un jeu, un jeu. Ça va être un jeu. Qu'est-ce que ça va être? Un jeu, ça va être un jeu. Ça va être amusant. Espérons, espérons. Ça va être amusant, ça va être amusant. Espérons que ça va être amusant. Espérons que ça va être amusant. Mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Ça va être amusant et utile. Ça va être amusant, ça va être amusant. Ça va être amusant et utile, et utile, et utile. Ça va être amusant et utile. Comment est-ce que le jeu va être ? Amusant et utile.